Aujourd'hui, le lundi 19 juin 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes petits amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped camera? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, if I miss it, I'll. est-ce que je suis en train de dire la vérité? On va vérifier. Ben oui, tu ne dis que la vérité. Même quand tu mens, tu dis la vérité. J'ai un petit mal de tête. On attribue souvent le mal de tête à excès d'alcool. C'est facile, ça, hein, juger, là. Arriver comme ça, mal à la tête, toi, tu souffres d'un mal de tête. C'est plein de préjugés, le mal de tête. Il y en a qui j'allais dire qui en font une maladie, qui vivent ça au quotidien, chronique. Hey, tu te réveilles, tu te lèves avec ça, tu te couches avec ça. Les maladies chroniques. Les mots MAUX sont constants. C'est fou! C'est fou, ça rend fou sans doute. J'ai lancé il y a quelques semaines, je peux dire quelques mois, une phrase sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas mon ami Facebook, devenez-le. Vous allez voir, c'est tellement enrichissant, c'est presque vrai. Je lance des phrases à droite et à gauche, surtout à gauche. Des pensées, des réflexions, des photos, de la musique, comme tout le monde. Mais j'espère que j'ai mon petit grain de sel perso. On s'imagine, tout le monde s'imagine être à part, puis original, puis l'originalité. On cherche toujours l'originalité. Moi, je le suis original, moi. Je fais comme en Grèce. Je sais pas si c'est vrai ou on m'a encore rempli, mais on m'a déjà dit qu'en Grèce, on commençait par le dessert et on finissait par... sans doute le fromage. Quoique pour certains, le fromage est un dessert. Mais en tout cas, on commence par l'exemple le gâteau au chocolat et on termine par le steak frites. Ou la soupe, tiens. On termine par le potage. On commence par le dessert et on termine par le potage. Pas si on m'a encore fait croire des trucs, mais j'ai même pas fait de recherche. La personne qui me l'avait dit à l'époque, il y a longtemps, là, à l'époque où je l'ai dit souvent, à l'époque où j'étais heureux, à l'époque où j'étais d'époque, ça fait à peu près 20 ans, 20, 30, non, 30 ans, 30 ans. Je sais pas qui m'a déjà balancé ça, là. On nous largue des phrases en... même pas en se disant que ça fait partie de la culture personnelle ou ça fait partie de notre savoir que l'on traîne toute notre vie. Traîner est peut-être exagéré. On traîne sa croix, mais on traîne pas nos connaissances. Ça dépend pour certains. Hein? Quand on a juste une, hop, hop, hop, hop, hop, hop, t'essaies de la garder. Là. Tu la mets en cage dans un tiroir barré de ta tête. Non, pas en cage, parce que moi, je vous conseille fortement de... Je l'ai déjà essayé, mais ça sort par les barreaux. Pas les barreaux, les barreaux. Parce que les barreaux, c'est plus gros, les barreaux, c'est plus mince. Vous savez pas ça, hein? Culture personnelle. Je viens de vous apprendre, je viens de vous apprendre quelque chose. Quand je vais dire ça à mes étudiantes et mes étudiants, barreaux est plus mince que barreaux. Vont-ils me croire? J'ai quand même... comment on peut dire ça? Comment on balance ça? J'ai un... Voyons donc. Ça, c'est mon mal de tête, Gaétan. Hein? J'ai pas pris de cachet en plus, moi. Mon émission, je fais pas de cachet. Je prends pas de cachet non plus avant de faire les rances rénaldiennes. Et voilà! Voilà le résultat. Non, mais vous savez, là, quand quelqu'un a soi-disant, on me croira pas, donc on comprend pas ce que tu veux dire. Oh, c'est rare, ça! Mon intégrité, oui, c'est ça, mon intégrité. Je perdrai pas mon intégrité en disant ça, là. Barreau plus mince, barreau plus gros. C'est peut-être vrai. Alors, il y a quelques mois, on va revenir à mon truc. J'avais lancé sur les ondes cybernétiques et non pas sur les ondes de CKRL. Si, ben, puis le terme est bien dit. Deux termes qui se confrontent au combat des mots ce soir à l'errance rénaldienne. Cybernétique et pathétique. Cybernétique et pathétique. Deux mots qui me sont arrivés un peu là, dans le ring... dans la reine, et je voyais une belle... un beau plan de match. Une belle réaction face aux deux mots qui, encore aujourd'hui, là, parce que j'ai eu cette idée-là au mois d'avril, je lâche pas le morceau, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand j'ai quelque chose là, qui me titille puis qui m'intéresse et que je sais que tout ça peut m'amener plus loin, je l'utilise, je le garde. Et c'est aujourd'hui que je le place à mon émission. Cybernétique et pathétique. Le combat des mots. Et ça commence maintenant. Avez-vous remarqué sur les trottoirs? Non. Oh, il faut toujours remarquer, hein? Être à l'affût. Avoir, avoir, en plus de nos yeux, un microscope et une longue vue. Hein? Des longues vues puis un microscope pour examiner, pour amener dans une version macro quelque chose qui nous semble commun et quotidien pour mieux y réfléchir. Parce que quand c'est quotidien, on n'y pense plus. Un peu comme allumer une lumière. Combien de fois dans votre vie croyez-vous avoir allumé une lumière? Et lorsque vous l'avez fait, avez-vous réfléchi à ce que vous faisiez lorsque vous allumiez une lumière? Ben non. Alors, qui aurait dit qu'en 2017, on pouvait trouver le cybernétique pathétique? Il y a 20 ans, le cybernétique, c'était quoi? C'était de la science-fiction. Il y a 30 ans, c'était Kubrick. 2001, Odyssée de l'espace. C'était Star Wars que j'ai vu le premier, là, mais le premier vraiment premier, là, pas le premier qu'ils ont fait en dernier, mais en tout cas des années 80, là, avec le Skywalker. Mais c'est fou aujourd'hui, cellulaire, qui aurait imaginé que tout le monde, en marchant, serait penché sur un truc en plastique avec les deux doigts dessus, comme s'ils avaient un tic nerveux ou la tremblotte. Tout le monde a tremblote aujourd'hui. Ils regardent pas où ils marchent. Ils traversent la rue sans regarder. Même dans leur voiture, même on n'a pas le droit. Il y a une loi qui est passée, mais peu importe. Cellulaire. Ah, j'arrive. Qu'est-ce que tu faisais avant quand tu n'avais pas de cellulaire? Les gens, quand tu arrivais, ben, ils te voyaient, tu étais là. Tu prévenais pas. Ou tu prévenais avant de partir. Allô, Raymond? Oui, j'arrive, là. Oui. Oui, j'étais encore à la main. Et oui, j'ai mes clés dans les mains, là. Je raccroche. Je descends les escaliers. J'entre dans mon véhicule et j'arrive. Oui, oui, t'es... Prépare-toi, je serai... Oui, je vais... Dans 5 minutes. Ben oui, le petit dernier va bien, mais... Oui, ben je t'en parle. Ouais, mais ce serait... On va se voir, là. Donc, on va en discuter. OK, dans 5... Hey, je veux pas passer 5 minutes au bout du fil. Après ça, tu vas me chercher quand tu vas raccrocher. Tu vas dire, il y a 5 minutes, ça fait déjà 5 minutes. 5 minutes, là, je suis chez moi, là. Comment? Toi, avec tes... Je le sais, tu t'arrêtes de te vanter, t'es une voyante. Ben oui, tu vois dans l'avenir. Comment ça, tu me dis que dans 25 ans, je vais me promener dans la rue, je vais te dire, je suis à ta porte et je vais sonner. Et comment? Et mon téléphone, j'ai pas de fil assez long pour me rendre chez toi. Pour te le dire que je vais sonner quand je sonne. Ben, voyons, en 2017, on va être rendu là. Ben, voyons donc, t'es complètement... Tu manques de sommeil, ma chérie, toi, là. Tu manques de sommeil, oh, mon... Ou t'es dans un sommeil profond, c'est deux choses, parce que dans les sommeils profonds, hein, on peut rêver. Non, est-ce que c'est le profond? Non, c'est l'intermédiaire. Hein? Dans le sommeil intermédiaire, on rêve. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans... Je m'en souvenais, mais là, j'ai comme un blanc. C'est paradoxal. Dans le sommeil paradoxal, c'est là que les rêves se mettent en branle. Que tous les manèges, toute la matière grise, tous les circuits cérébraux sont intensifiés et c'est à partir de là que les rêves débutent. Donc, je pense que tu es dans ce stade-là actuellement. Ben, voyons. Puis tu crois qu'en 2017, on va dire que le cybernétique est pathétique? Ben voyons, toi! Tu m'intrigues! My! Believe what you get away with. You find beauty in anything. Whenever you look down into a sewer, you see a diamond ring. It isn't fair, you never look like you're trying, as if you couldn't care any less. Here kicking myself to keep from crying. You say you're impressed, but this isn't helping at all. It only makes me wanna get further off. This isn't helping at all. This isn't helping. This doesn't have to hurt. You're there if you need to be found. Can't you see that that makes it so much worse? I'll always see you around. Maybe in time we can give it one more try. But let's think about what matters now. Kicking yourself to keep from crying, that you're so right about. Cause this isn't helping at all. I know you think it's kindness, but it's not. This isn't helping at all. This isn't helping. Say that it's all your fault. I know you're banking on it coming up, but would your life be so bad if you knew every single thought I had? Cause I only have two things to say to you, but you say two things. T'avais raison pour les disques en vinyle. Ben oui, on est rendu au laser. Bon, pis... Après ça, c'est quoi? Ça sera même pas... T'appelles ça comment, toi, là? Ben voyons donc! Ça va être des fichiers MP3, Wave, etc. Ben regarde, là, je vais te laisser, je raccroche, puis je vais aller te chercher, OK? On va à l'hôpital. Mais elle est enfermée, là. Voyons donc, toi, la malade. Toi, c'est pas imaginaire, toi, là. On sait pas, je connais pas ça, la psychologie des gens souffrants comme toi, là. Mais en tout cas, je raccroche, j'arrive, OK? Mais le cybernétique pathétique. Hey, le jeune aujourd'hui, ouvre son cellulaire, ouvre son ordinateur, ouvre sa tablette, puis entre dans un monde imaginaire. Il n'y a pas longtemps, on ouvrait la télévision. On écoutait des émissions. Aujourd'hui, dans les... bon, il y en a, écoute, il va toujours rester désaccroché. La radio! Au moins, il me semble que la radio, c'est un des seuls médiums qui reste authentique. Ils n'ont pas fait la radio, ouais, du mono stéréo, ouais, OK. Ben oui. Ouais, mais ouais, le surround. Mais le surround, c'est plutôt au cinéma. Une radio surround, là, ça dépend, là. Ça dépend de ta soirée. Ça fait être surround digital Dolby. Mais il n'y a pas eu grosse évolution là, dans la radio comme on la connaît. Là. On fait jouer de la musique. Il y a un animateur qui parle. Dans ce qui est plus conventionnel, il y a la météo, les nouvelles, bon, les sports, les lignes ouvertes. Grosso modo, c'est ça la radio. Tu sais, il n'y a pas eu là, un chambardement extraordinaire. Bah oui, la balado-diffusion, ça, c'en est une. Mais tu peux écouter ta radio d'une manière traditionnelle, là, sans balado-diffusion. Mon émission, en passant, l'est. Non, elle n'est pas LED. LED, ton émission est LED. Non, ben, Apple Light, ça dépend du regard de certaines gens. Mais vous pouvez l'écouter depuis presque les débuts, je crois, 2000... Ouf, ça, c'est compliqué, là, je m'embarque dans quelque chose. Mais la première année, non, mais les autres, oui. Puis là, vous voyez pas là une évolution, il n'y en a pas d'évolution dans mon cas, puis il n'y en aura jamais. On va rester stable dans l'ignorance la plus totale. On va rester manipulable auprès d'une société qui aime bien le faire. Le faire quoi? Faire quoi? Mais nous manipuler. Donc... Le combat, il n'y en a pas, parce qu'on le sait depuis maintenant que le cybernétique est rendu pathétique. The wavelength we were cinnamon. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. Tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd like. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improved. Rendu plat, plat, plat, plat, plat, là. On réfléchit même plus. Avant de prendre son café, il faut ouvrir sa tablette. Le journal, il nous arrive plus, là, à la maison. T'ouvres plus la porte pour aller chercher dans la boîte aux lettres. C'est terminé. Tu dois ouvrir ta tablette. Là, l'info va rentrer. Puis quand on se refuse à ça, on y est vu comme des Madame Thibault. On y est vu comme des sorciers. On y est vu comme des allumés. Ou non, des arrêtés. Ah oui, il veut pas évoluer, lui. Ah, c'est ça. Il veut pas rien voir. Il reste dans... Il est bien comme ça, là, mais moi, j'ai toujours dit qu'on peut pas faire grand-chose avec une affaire de même. Il bloque. Il est sûr que lui, là, il a pas de... Il veut pas s'acheter de voiture. Il a déjà son cheval puis son traîneau. Pauvre cheval qui tire ça en été, le traîneau, là, les skis. On lui a dit au moins, mais des roues. Non, non, non, c'est le modernisme. Les roues, c'est le modernisme. Mais voyons donc. La roue est inventée avant la cathédrale de Suzanne Lévesque. C'est qui ça, la cathédrale? C'est quoi la cathédrale de Suzanne Lévesque? C'est un autre prototype, on peut pas en parler. C'est des soubassements même de l'underground. Il y en a des gens qui veulent pas connaître ça, l'underground. Ils veulent vivre là, sur la terre, ils veulent vivre sur le plancher, ils veulent vivre dans la connaissance du grand, le grand jour vient d'arriver. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de manipulé, selon eux. Là. Écoutez, selon eux, c'est facile de se dire ça pour se rassurer, mais il n'en est rien. Ah, on ne nous cache rien, nous autres, là. Non. Voyons donc, il n'y a pas de manipulation sociétale, là. Ben voyons, les gens qui voient ça, eux, c'est eux le problème. Puis le problème, des fois, il vient pas de moi, il vient des autres. C'est plus facile de me dire ça. Puis quand il vient des autres, ben, on s'informe. Toi, comment ça va, ton état mental, mon rosaire? Ouais. Ta femme, a-t-elle remarqué des anomalies intellectuelles récemment? Oui. Ça fait combien de temps je te dis qu'elle rentre canadienne, c'est pas sur le AM, mais sur le FM? Il n'y a plus rien sur le AM. Ils ont même aboli le morse. Arrête d'attendre ton message, il n'y en a plus de morse. On a de la misère à avoir des phoques au Québec. Ils sont partis en Alaska faire tourner des ballons sur leur nez. Puis quand tu regardes les collines de glace, les icebergs, OK, ben c'est mieux de même. Quand tu regardes les icebergs, tu risques, lorsque tu ouvres ton grand œil, de voir un ours. Attention, un ours zombie. Try not to worry, there's a voiceover. Go on. Go quiet for a change. We can dial down the daylight a little. I think the candy blue sky's messing with our brains. We must have hit our heads. Don't expect familiar feelings. No one knows what to talk about. Just come lay down here on the couch. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down like an alien. Something fun to wear that goes along with all your feelings. We'll go extremely vivid, buttoned up and unrevealing. I can be your nurse or something. Bring you watermelon nicotine. I can hold a swimmer here to the shore by a stream. Hurry up, we don't have time. Avalanches in my mind. Getting buried in this dream. It's just as soapy as it seems. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down like an alien. There's this one old idea I'm having, stuck in a car wash somewhere, and you can't stop laughing. Off the rails and no one's coming to get us. I think I like it here, so I'm gonna let them forget us. Hurry up, we don't have time. Avalanches in my mind. Getting buried in this dream. It's just as soapy as it seems. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry, and come right back in. Drop down like an alien. Avez-vous le pong élastique, vous, madame? Oui, oui. Bon, vous dites stretché. Ah, mon Dieu, vous avez le pong stretché. Et je vais vous lire quelques citations du même auteur. Puis pour le plaisir, essayez de deviner c'est qui. OK? Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Allez pas voir sur Internet, là. Faites-vous confiance. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Là, on s'arrête là pour les citations, mais je ne sais pas si l'amour est vraiment aveugle. Hein? Aujourd'hui, là, de plus en plus, on vérifie. On s'éclaire avant de... Alors, l'amour aveugle, là, tout, on vérifie nos intérêts. Est-elle solvable? Peut-elle m'arrêter de travailler? Possède-t-elle des biens qui pourraient, dans quelques années, m'amener à des vacances perpétuelles? Possède-t-elle une entreprise? Si oui, je me garoche dessus, même si elle est moche, même si elle est connasse, même si c'est une... Oh, je me lance et j'y vais. Qu'elle vienne que pourra, je la tricherai, puis elle ne sera pas comme toutes les autres. Hein, mon doux. Comme toutes les autres. Oh, on met ça dans le même panier, monsieur. Rien n'est plus proche. Ça, c'est encore une citation de je dirais pas qui. Je vendrai pas la mèche avant, madame, mademoiselle. Je ne vendrai pas la mèche avant. Je suis comme Yvon Deschamps, je parle plus vite. De plus en plus vite. Mais lui, il ne s'enfargeait pas, contrairement à moi. Rien, parce que là, je dis au passé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en spectacle. Et s'il fait encore des spectacles. Si, en fait, c'est dans son salon, sous la douche, puis je n'ai jamais été invité à aller voir ça. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. Dieu ne joue pas au dé. Oh, le hasard, hein? Le hasard existe-t-il, hein? Ça, c'est une belle phrase pour parler du hasard sans le dire, ça. Dieu ne joue pas au dé. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un... Ah ben là, ça lève beaucoup de... Avec celle-là, je pense que vous avez quelques-uns risquent de trouver. Le mental intrusif... Voyons, je vais recommencer. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublié le don. Vous voulez que je le répète? Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serveur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serveur et a oublié le don. La personne dont il est question... On continue. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu... Il en parle beaucoup de Dieu, ce gars-là, voyons donc. Déjà là, je viens de vendre la mèche, ça enlève toutes les femmes. Oh non. Ben, en tout cas, j'ai encore rien dit. J'ai juste dit que c'est un homme. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. Oh, il va parler du hasard, là. Encore de Dieu. Le hasard, c'est Dieu qui se protège incognito. Non. Qui se promène incognito. Qui se protège. Hey, Dieu se protège, saviez-vous ça? Con donc, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais lu ça dans un grand livre de Dieu. Puis de... Oui, il se protège. De nous, les humains. ça vient de moi. C'est bon, ça. Dieu se protège des humains. Oh, on l'applaudit. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Un avant-dernier. Un être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Ah ben là, si vous ne le savez pas avec ça, là. Non, c'est pas Spock. Temps, espace. Ah! Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Alfred Einstein. Parle beaucoup de Dieu. Ça me surprend pas, là, mais je suis étonné. Ça te surprend pas, mais t'es étonné, toi. Quand t'es pas surpris, t'es pas étonné. Oui, mais je voulais pas que les gens s'imaginent que j'étais bouche bée devant autant de citations de Dieu lorsque ça venait d'Albert Einstein. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring! Grâce à vous, grâce à... Voyons donc. Enlève le bouton, il colle! Voyons donc, il colle. Nicole, le bouton colle! How you tapped on a box of blue American Spears at Anyway Cafe a little under a month before the ashes and management capital files filled the streets. How we wove through the combs walking home to the place on Atlantic you shared with your hilarious sister. Kicking off your black flags, demolished and laughing. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. You rescued me from the customs cops in Hawaii. And I shut down the place with my Japanese novelty bomb. And your dad came along. How you had me laid down for a temperature check with the cool of your hand on the back of my neck. Said I think I'm finally going crazy for real. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. Carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner. You in a bath on the phone, telling somebody that maybe they're better off leaving than staying in it alone. Cried at the beach and recovered in seconds and said everything's fine, but I knew that it wasn't. Then you stayed out of reach of me for almost a year. How you looked like a poster of a 70s movie, standing outside at the base of your magazine skyscraper, waiting for me to go drinking downtown. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. Carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner. I keep what I can of you. Split second glimpse. corner. Nicole, tu vas me changer ce ressort-là parce que ça n'a pas de bon sens. La semaine dernière, j'ai quand même critiqué. Il y a deux semaines, j'ai critiqué. Puis il y a presque un mois et demi, j'ai rempli un formulaire. À chaque fois, je termine mon émission, puis il y a des choses que je n'ai pas appréciées pour ne pas la retrouver la semaine suivante. J'ai mon formulaire, mon bilan. Rien n'est lu depuis le début de cette émission et c'est tout à fait... choquant. C'est choquant. Je mets devant moi des gens pour élever Errance Rénaldienne à quelque chose de beaucoup plus... Et j'y parviens pas. J'y parviens pas parce que j'ai une équipe de broche à foin. Si, je vais tout vous nommer, si vous voulez, un après l'autre. J'ai 6 filles et 2 gars derrière mon émission. Ça paraît-tu, ça? 6 incompétents. 6 personnes qui veulent rapidement mettre ça derrière leur... Hein? Ça saute... C'est inconvenable. C'est injustifiable. Mon oncle n'a pas de bonne mère. Mon oncle va taper des foufounes. Il y a la main là, qui est déjà toute chaude à l'effet de sortir tout le malin, toute la rogne, toute la... Comment ça, je suis un frustré-né? Frustré-né? Frustré-né, c'est là, dans les régions peu habitées, qu'un jour, le dérapage prendra son essor. Il se catapultera à travers d'autres horizons que l'on peut appeler le néant. Néanmoins, je ne veux pas prendre cette réflexion à la légère. Et en parlant de légèreté, je remercie sincèrement Errance Rénaldienne de m'avoir fait de m'avoir retiré ce mal de tête. Comment il a fait, j'en ai aucune idée. Mais est-ce vrai que lorsqu'on ne s'apitoie pas sur ses petits bobos, ça prend la poudre d'escampette? Hein, quand t'arrêtes là, de lui mal au bras, mais quand tu penses plus à ton bras, quand t'écoutes de la musique, là, t'es concentré sur ta musique, oh, plus mal au bras, plus mal à la tête. Plus mal aux genoux. Plus mal au mal de vivre. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'on peut vivre, va être vivre. Alors, l'idée, ça sert à rien. On regarde du bout des mains. Le mal de vivre, tu l'as sur le bout des mains? Ah, je l'ai partout, moi. Le mal de vivre, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien du surréalisme, Rénald le néant gagné. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres. Dit, votre itinérant langagier, Rénald. J'ai toujours dit que jamais quand on disait Rénald, en prononçant le D, hein, Rénald, le muet devient sonore. Comme ça, quand le muet devient sonore. Mais pas dans les films. Quand c'est muet, c'est muet. Quand c'est sonore, c'est sonore. Abel Gance, Napoléon, il avait demandé à tous ses comédiens de dire les mots des textes, parce qu'il y avait un texte, il y avait un scénario, de dire le scénario. Et plus tard, parce qu'il avait entendu parler que le parlant était à ses portes, il attendait que ça frappe avant. Il dit, moi, écoute, j'ai un gros projet, moi, là. Un gros projet Napoléon. Ah, un projet, là, grandiose, mais on m'a dit que le parlant allait frapper à ma porte. Frappe pas encore. T'as presse, là. J'ai le budget, là. J'ai les comédiens. Là. Tout le monde est prêt. Là. Je veux pas attendre que mes comédiennes deviennent enceintes puis qu'on arrête le tournage pendant quelques mois. Là. Faut se lancer. Là. Vas-tu frapper le parlant? Vas-tu frapper le parlant? On t'attend le parlant. Mais là, ça vient pas de même. Là, hein? La technologie, là. On parlait de technologie en début d'émission. Hein? La boucle. Là. Cybernétique et pathétique. Pas pire, hein? Tout a un sens dans le non-sens. Oh, je viens de le prouver, là. En ce beau catou. Catou? Oui, catou. On est le catou. La semaine prochaine, puis cette semaine, on discutera avec une comédienne, mais c'est pas encore le moment propice de vous la présenter. L'absurde aventure de Laurence Renadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de le néant gagné. À quoi bon faire cette émission? Si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Your imagination is in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart'll break. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the hand and leaves you nowhere. You feel it in your nerves. Choking out the sun. You try in vain to be persuaded that it's nothing. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the head. You're gonna flip your lid again. Don't you understand? Your mind is not your friend. You inherited a fortune from your mother's side. Didn't get it at all. She survived. Tranquilize the ocean. Your mind is not your friend again. It maintenant, je vous invite à entendre la femme du 7e art, celle que je prends un vilain plaisir à revoir le plus souvent possible. Nous allons parler de bien des choses de la vie. Ma douce et belle amie, Stéphanie Girard. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Je sais pas, bah, en vrai ça va être ma vraie première production, tu vois. Ah, imagine-toi un film de 120 minutes, ça doit être hallucinant. C'est 8 minutes, pas juste, mais c'est 8 minutes, puis t'as autant de problèmes à recruter. Les gens sont frileux aussi, 8 minutes ça paraît pas partout. Ça, tu fais pas d'argent avec ça, tu perds de l'argent. C'est ça. Ouais. Tu investis dans quelque chose que tu vas perdre. Ouais. Bah oui. Oui, mais... Il faut trouver un mécène. ça, c'est très américain, tu vois. Oui, ouais, le mécène. En France, les mécènes. Oui, oui, c'est ben, aujourd'hui, plus personne n'a de l'argent. C'est ça. Donc, il y a ton court-métrage qui est déjà. Lui, le scénario est oui, terminé. Oui, c'est bon. Oui, oui. Là, on va rentrer en période de production, c'est-à-dire de. Enfin, pas de production, de chercher les sous, de pré-prod, ouais. Comme on dit. C'est après, qui s'occupe de ça, c'est toi aussi? C'est moi et mon associé. Puis ton associé, c'est un réalisateur? Non, hein? C'est une fille. Okay. C'est Mélissa Petitjean. Okay. C'est une mixeuse donc, qui a fait La Famille. C'est la seule femme mixeuse en France à avoir eu un César. Pour le film? C'est pas la seule femme mixeuse. Non, ouais. Pour le film Michael Colas. Le titre? Tu l'as pas vu? Michael Colas. Ah, c'est le titre du film? Ouais. Ah non, j'ai pas vu. Quelle année? 2014-2015, je pense. Nicolas Colas. Voilà. Michael Colas. Et. Je pensais que c'était le réalisateur. Elle est un peu plus jeune que moi. Okay. Et. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un aussi qui sait faire de la post-prod, qui sait diriger de la post-prod depuis longtemps. Et. Et voilà. Et donc, on est complémentaires. Donc, elle, de son côté, essaie de trouver les sous, toi aussi. Moi aussi. Moi aussi, on le fait ensemble. Avez-vous... C'est juste toi qui as travaillé sur ça? En tout cas, ce qu'on sait toutes les deux faire, c'est fabriquer. Ouais. C'est fabriquer, on sait faire. Ouais. Mais c'est juste toi qui as travaillé sur ce scénario, elle? Oui, alors... non. Okay. Okay. Non, non. Mais... par contre, elle ramène d'autres projets de l'extérieur. Genre, tu vois, par exemple, l'année dernière, on n'avait pas été assez rapide, on n'avait pas encore créé notre structure, mais elle avait une copine qui faisait un documentaire, justement. Oui. Et tu sais, souvent, t'as des films qui obtiennent des projets, qui obtiennent des subventions, mais qui n'ont pas de producteurs. C'est-à-dire des subventions aux auteurs, mais qui c'est sont des subventions avec lesquelles, justement, quand on fait du documentaire, on peut déjà tourner, commencer à tourner. Et donc, il y avait moyen qu'on récupère un projet comme ça, tu vois, qu'on trouve des financements complémentaires. Voilà, ça, on a envie de le faire, tu vois, des films dans lesquels on croit, ou, tu vois, comme les films dont je viens de te parler, le film de mon ami Christine, le film de mon ami Claire. Ça, moi, c'est des films dans lesquels j'aimerais bien investir du temps et de l'énergie, parce que ça, se mérite, ça le mérite, quoi. Oui. Mais comment tu peux... Tu vas t'annoncer, tu vas te... Non. Ah, t'attends qu'on vient te chercher? Non. Moi, je reste Stéphanie Girard, scénariste, directrice de collection, productrice exécutive, mais embauchée, réalisatrice, voilà. Mais je ne vais pas venir, genre, je suis productrice, parce que je te dis ce que je te disais tout à l'heure, je ne vais pas gagner ma vie avec ça, ça c'est sûr. Donc il faut que je puisse continuer à gagner ma vie, et je te dis, en France, c'est très vite étiqueté. Je pense que c'est partout. Je sais pas, tu vois. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, par exemple, aux États-Unis, tu as le droit d'avoir plusieurs casquettes, beaucoup plus. En France, ça a déjà bougé hein, par rapport à il y a plusieurs années. Ouais. Notamment, tu vois, par exemple, avant, les comédiennes qui se mettaient à chanter, plus personne ne comprenait plus rien. Maintenant, c'est plus admis, tu vois, Lysia, les chanteuses et comédiennes, enfin, voilà. Puis en même temps, ça change quoi? Mais c'est pas encore arrivé jusqu'à nous, là, les fabricants. Ouais, parce que vous êtes dans l'ordre. Non, mais après, je me dis, peut-être que les producteurs, ils le voient comme une... comme une concurrence, mais dans le sens, elle va me faire chier parce qu'elle a des idées en production. Alors qu'en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on ne peut être que réalisatrice, mais c'est des vacances. Oui. Quand on n'a pas la production assumée, c'est génial. Et donc, on ne va surtout pas aller les faire chier. On va les laisser faire leur boulot. Et nous, on va se concentrer sur le nôtre. Mais je pense que ça peut être vécu comme ça. Et aussi, tu vois, quand j'ai eu mon premier projet de long métrage qui ne s'est pas fait, ça a été vécu comme ça. Ah non, mais Stéphanie, maintenant, elle réalise. Et toi, t'as envie de leur dire. Et en vrai, mon film, il a pris 12 ans à se faire. Et c'est complètement débile de penser ça. C'est-à-dire que du coup, vous ne pouvez plus faire appel à moi. Que ça c'est change. C'est pas comme si moi, je disais, attendez les gars, maintenant, je suis réalisatrice. Ou les filles. Oui, tout à fait. À l'époque, c'était plutôt les gars. Ouais, c'est les gars. Mais voilà. Ouais. Mais... je ne vais plus faire l'assistante, j'avais toujours besoin de gagner ma vie et de faire ça, mais c'est juste qu'on ne m'appelait plus, quoi. Mmh. Parce qu'on disait, Stéphanie, elle réalise son long métrage, mais non, en vrai. Non, oui, mais c'est un combat constant. Ouais. Et c'est... Oui, vas-y. Non, mais c'est fatigant aussi de... C'est fatigant parce que du coup, tu peux jamais être naturel, tu peux jamais être franc. Tu vois, moi, je te le dis à toi parce que je me dis au Québec, ça n'a pas de conséquences. Au contraire, même ça peut être même bien perçu que je fasse ça en plus. Mais si, ça peut me porter préjudice. Et Mélissa, c'est pareil. Mélissa ne dit pas qu'on a monté cette boîte parce que elle se dit qu'après, sinon, les gens vont dire maintenant, elle est passée à la production et elle mixe plus. Et c'est pas vrai. Son gagne-pain, c'est mixeuse. Effectivement. On peut tout faire, mais c'est pas reconnu. C'est pas intime. Oui. Oui, mais c'est chiant. Ouais. Tu vois, quand je te dis la France, c'est le pays de l'omerta, je rentre dans une nouvelle omerta, j'en suis pas fière, mais il se trouve que j'ai besoin de gagner ma vie. Oui, comme tout le monde. Surtout pas... Comme tout le monde. Oui. Puis surtout quand on se relève de quelque chose de difficile, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà. Donc pour moi, cette boîte de production, c'est un truc en plus. C'est un truc pour m'aider à faire mes trucs à moi. Ouais. J'ai beaucoup de trucs là. Non. Mais Mais c'est pas un truc que je vais aller revendiquer justement, je vais pas dire je suis productrice. Ouais. Parce que ça va me fermer des portes, au contraire, ce serait vraiment pas intelligent. Et en plus, moi je mets pas d'ego là-dedans. Ah non, non, mais les gens qui te connaissent le savent. Bah, c'est ceux qui. Je le fais par pragmatisme. Oh, en fait. Oui. Je le fais pour avoir un outil pour faire les choses. Mais aussi la conviction. Oui, aussi. Ouais. Surtout. Ouais. Surtout, c'est ce qui nous force à se réveiller le matin, ouais, et puis de poursuivre, puis de, ouais, remonter. C'est si, faire remonter, ouais, la boule et la laisser tomber et la remonter. Ouais. J'ai dit. Oui, vas-y. Non, vas-y. J'ai 10 questions. Vas-y. Mais ça va changer parce que la dernière. On s'est rencontrés, ça fait la troisième fois qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est la troisième fois. Et ce qui est bien, c'est que. Les réponses, les questions restent les mêmes, mais les réponses changent. T'es sûr? Parce que moi, j'avais l'impression que la deuxième fois qu'on s'était vu, j'avais fait pas mal les mêmes réponses. Sur quatre. Ah, c'est vrai? Oui, ouais, parce que j'ai réécouté. Ah. Tiens, je prends des notes. Hein. OK. C'est beaucoup de l'eau. Si tu étais un liquide? De l'eau. Ça, c'est toujours ma réponse. Ça, c'est vrai, ouais, ça change jamais. C'est vrai. Franchement, c'est le seul liquide vital, indispensable, et j'ai pas envie d'être autre chose. OK. Et puis en plus, maintenant, en plus, tu vois, je vais nourrir ma réponse. C'est que c'est tellement un enjeu écologique, l'accès à l'eau potable. Ouais. Il va y avoir des guerres à cause de ça, il y en a déjà. Il y a de la spéculation, et quand il y a de la spéculation, il y a de la guerre à l'arrivée. Et c'est pas de l'eau dans une bouteille en plastique? Non. Non. C'est de l'eau de source. Si tu étais une ville? Ça reste pas. Ah oui. Quel arrondissement? Oh. Ah, c'est une ville dans la ville, ça. C'est comme Google Max, hein, faut... Je cherche. Ouais, c'est je fais des films. Le cinquième. Cinquième? Ouais. Moi, c'est l'endroit où je me sens le plus à Paris, le cinquième. Je passe un arrondissement chargé d'histoire, vraiment. Tu sais, t'as les arènes de Butès, t'as le Panthéon. Plein de choses, enfin, t'as plein d'hôtels particuliers, puis c'est vraiment beau, c'est un établissement très beau, c'est un lieu de culture, c'est là où il y a l'école des arts déco, l'école nationale des arts décoratifs, il y a eu pendant longtemps Normal Sup, maintenant ils ont déménagé, mais tu vois, enfin, c'est quand même un lieu qui moi me parle à plein de niveaux. Et aussi, je pense que je te dis ça parce que ma grand-mère est née rue Mouffetard. Elle a dû quitter à 14 ans après un accident de la vie, comme on dit. Son père est mort, en fait. Ouais, ouais. Du coup, elle a dû partir en Provence et ça a été le traumatisme de sa vie. Et pour moi, la rue Mouffetard, c'est un lieu d'ancrage. Parce que dans ma famille, on n'est jamais né, vécu et mort au même endroit. Ah, oui. Plus loin qu'on se souvienne, là, de, aussi loin qu'on remonte. Et finalement, pour moi, la rue Mouffetard, c'est une façon d'avoir cet ancrage-là quand même. Tu vois, down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Mon arrière-grand-père était à la garde républicaine de la rue Mouffetard, la caserne de la rue Mouffetard. Ma grand-mère a vécu là, mon arrière-grand-mère a travaillé là. Mon arrière-grand-mère, en plus, elle était déjà un peu intermittente du spectacle. Parce que elle était, alors ça c'est ma grand-mère, elle est née en 1920, tu vois, c'est dans ces années-là. Et mon arrière-grand-mère, elle était secrétaire d'un archéologue l'hiver, parce que l'été il partait en mission, ouais. Et l'hiver il revenait, et du coup elle tapait tous ses récits, tous ses comptes rendus, etc. Ouais. Et, mais sauf que quand il partait, il ne pouvait pas l'emmener. Ouais. Et elle, du coup, elle redevenait la Vendière, le Mouffetard, ah, tu c'est vois, bon. C'est déjà de l'intermittence. Ah, moi c'est quelque chose, ouais, c'est bon. Déjà parce que ma grand-mère m'en a beaucoup parlé, et aussi parce que je pense que ma grand-mère, elle était contente que ma sœur et moi, on revienne à Paris, tu vois. C'est comme une petite revanche, ce qu'elle aurait voulu faire, elle, quoi. La vie qu'elle aurait voulu avoir. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que le cinquième est particulièrement cher à mon cœur. Et tu devrais faire un documentaire sur cette rue-là. Parce que j'ai vu récemment un documentaire sur une maison, un endroit à Paris, un immeuble où ils accueillaient des gens qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. C'est super, super intéressant. Il y avait l'adresse vraiment précise là, où tout le monde dit. Quand ils se sont réunis pour le documentaire, tout le monde était là, les vieux. Hein, puis, ah oui, moi j'habitais là. Puis, ah oui, c'est toi qui avec là. Si tu étais, puis ça c'est sur Arte. Ouais. Est-ce que tu l'as vu? Je crois. Ok, ouais. Voilà. Si tu étais une langue. Alors, l'espéranto. Ah ben oui. Parce que moi j'adore voyager et franchement je trouve que c'est une tellement belle idée l'espéranto. En vrai je ne le parle pas du tout et je trouve que... Non mais ça n'existe pas non plus. Si, ça existe pour de vrai mais on ne l'apprend plus. En fait c'était pareil, c'était au début du 20e siècle, c'était une espèce d'utopie et les gens l'avaient appris au départ. Mais combien de pourcentage? Oui, ça n'a jamais vraiment pris et c'est dommage. Mais non, même pas 0,1%. C'est dommage parce que c'est une vraie belle idée. Oui, mais je crois que c'est plutôt quelque chose de un mythe. Que... Non, mais tu vois, à une époque, c'était le latin, la langue universelle. Ouais. Mais du coup, c'était que les gens très cultivés qui avaient accès à faire des études. Mais en tout cas, eux, ils pouvaient déjà. Ouais. Tu vois, c'est resté dans les sciences. Les scientifiques, ils peuvent. Ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils passent par le latin. C'est les racines. Les racines. Ouais. Et l'espéranto, ça pouvait être ça pour les gens du peuple, quoi, pour tout le monde. Et je trouve que c'est une tellement belle, c'est une tellement belle idée. Et qu'il n'y a pas de vivant, tu vois. Ça reste un rêve, ça reste un imaginaire. C'est pas assez de réalité, en tout cas. Si tu étais une époque... Alors moi, je crois que j'aime particulièrement le 19e siècle. Parce que c'est le début de la, modernité. Sur la fin, il y a tellement d'inventions au 19e siècle, le cinéma, l'électricité, la photo. Il me semble que j'aurais adoré voir ça. Enfin, il me semble que pour moi, c'est marrant, hein, parce que sans doute que le siècle qu'on vit actuellement, c'est aussi un siècle charnière, forcément. On s'en rend moins compte. Mais là, je trouve qu'avec le recul, on se rend compte que le 19e siècle, il est étonnant, quoi. Étonnant. Sur ça, sur le progrès scientifique, sur tout. Mais tu parlais du début du cinéma. J'ai vu sur Planète Plus, je ne sais pas si tu connais, un documentaire sur la véritable histoire du cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas les Méliès qui... Non. C'est un bonhomme qui a été peut-être... Ah, tu l'as vu? Incroyable, hein? Mais ça brise toute mon histoire, parce que moi, j'ai étudié en cinéma, donc tout ce que j'ai appris, toi aussi, t'as appris ça, là. Oui, mais c'est en fait ce que ça dit, c'est que, en fait, quand une idée jaillit, elle jaillit dans plusieurs parties du monde, et que chacun le développe à son idée, puis il y en a un qui gagne. qui gagne, c'est-à-dire qui s'impose. À cause de l'argent, à cause, c'est pas parce que c'est toujours ça. C'est... Non, mais c'est fou que dans les universités, encore aujourd'hui, on dit que c'est Méliès et puis que c'est Edison. Mais c'est pas eux, c'est l'homme qui s'est fait. Non, mais ça, quand même, quand tu vas visiter le musée du cinéma, la cinémathèque, tu le vois qu'il y a eu quand même des. Que ça part des daguerréotypes et puis des, oui, des, oui, des mais, machines. Oui, mais le bonhomme avait touché vraiment ce que. Ah, mais c'est fou. Moi, me remettre en question tout ce que les frères Lumière. Les frères Lumière, c'est des opportunistes, hein, c'est des faux culs. Ils sont malins. Oh, oui, ils sont malins aussi, mieux que faux. C'est des hommes d'affaires. Oui, ah, oui, c'est ça. Comme aujourd'hui, comme le cinéma. C'est ça. Si tu étais un mot. Un mot? Joie. Joie? Ah, ben oui. Parce que je trouve que c'est ce qui manque en ce moment. Et moi, c'est ce que j'aime, la joie. Oh, juste écouter Charles Trenet. C'est le meilleur état. Charles Trenet, il y a de la joie. Ouais. Ouais. Avec lui, il y en a tout. Si tu étais une saison. Alors, c'est marrant parce que j'ai longtemps dit le printemps et maintenant je crois que c'est plutôt l'été. L'été? Ouais. Là, tu as sauté la transition. Ouais, là, c'est okay. Bon. Là, c'est les apéros en terrasse, la chaleur, l'extérieur. Je crois que j'ai besoin d'extérieur. C'est l'effet confinement. Ouais, c'est ça. Tête, oui, tu sais, tout le monde. C'est tout le monde. Et l'été, c'est quand même, en tout cas en France, le moment où tu passes le plus de temps dehors. Là, la preuve, tu vois, Termine. Puis il y a le moins de risque, on est en plein air. Ouais. C'est mieux qu'à l'intérieur. Ouais. Si tu étais un aliment, Le chocolat. Ah oui? 70% de chocolat ou au lait? Le plus noir possible. Ah oui? Noir, en tout cas. Ouais. Mais pas forcément 90% de cacao là, qui est trop amer. Là, après, à un moment donné, ça tombe dans 70. Quelque chose. Mais plus, tu vois, la mousse au chocolat, quelque chose de plus léger, mais au chocolat noir. Dans tous les cas, au chocolat noir ou la glace au chocolat noir. Quelque chose de léger, mais forcé. Oula. Un peu trafiqué. Non, et puis, c'est ce qu'on dit, hein, c'est plein de bonnes choses pour le cerveau. Oui, c'est vrai. Et pour l'humeur et la joie, justement. Le chocolat, c'est la joie. C'est vrai, on s'est rendu compte que pour les peines d'amour, ça a un côté chimique. Si tu étais une saison, si tu étais un membre corporel. Les mains. Ouais. Moi, c'est ce dont je me sers vraiment le plus, j'ai l'impression. Après, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est un vrai prolongement de moi français. Il y a beaucoup qui parlent avec les mains. Ouais. Au Québec, René Lévesque, c'est lui qui était. Ouais, les mains. Et puis surtout parce que j'aime beaucoup le toucher. Ok. Je trouve ça. Ça devait être difficile pendant 2 ans. Ouais. Sauf tes enfants, quand même. Eux autres se sont fait taponner, comme on dit chez nous. Si tu étais un moment de la journée. Ah, moi, j'aime les matins. J'aime quand tout recommence, quand tout est à nouveau possible. C'est un matin, c'est une page blanche, c'est des nouvelles possibilités, on peut tout recommencer. Et tu te lèves tôt, toi? Alors, oui, maintenant, depuis que j'ai des enfants, donc quand même depuis 18 ans bientôt, grands, oui, parce enfants, que t'as pas le choix. Alors oui, maintenant, ils dorment jusqu'à midi, mais moi, j'ai gardé l'habitude de me lever tôt. Nous étions enfants, donc on faisait la même chose. Ouais, c'est faut ça. Pas oublier, mais oui. Mais moi, j'ai eu des enfants qui se levaient tôt. C'est-à-dire que je n'ai pas eu des enfants petits. Ma fille, elle faisait 12 heures par nuit, mais elle se couchait à 19h, elle se levait à 7h, et ou après, ça s'est décalé d'une demi-heure. Donc moi, 7 jours sur 7, 365 jours par an, j'étais debout à 7h30. Et mon fils aussi n'a pas dormi tard. Enfin, tu vois, c'est vraiment maintenant qu'ils sont ados qui dorment tard. Là, ta fille n'est plus ado, elle est adulte. Ouais, mais non, elle est encore restée. Pour elle est encore ado. Ah ouais. Dans le sens où elle se décale très facilement. Tu vois, elle se couche à 2h du matin, ben c'est rien. Est-ce que la transition de l'enfant à la femme a été difficile pour elle? Pour elle ou pour nous avec elle? Ben pour elle, après ça, ouais. Pas tellement, parce que je pense qu'on l'a bien accompagnée. Enfin. Oui, enfin moi j'ai fait très attention à ça parce que justement je suis déjà passée par là et que je sais, je connais les difficultés, je connais les écueils. Mais ouais, mais c'était pas la même époque. Moi je l'ai élevé comme si c'était la même époque en fait, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que... L'hypersexualisation aujourd'hui est partout, dans les vidéoclips, dans les... Non mais okay. Moi j'ai pas donné ça comme étant la norme. Elle a pas embarqué la norme? Non, la norme c'est une pudeur assez normale et en même temps une liberté, enfin Moi, ma fille, elle prend la pilule depuis qu'elle a 17 ans. On a vu ça ensemble. Mais tu sais, même je l'ai fait vacciner contre le papillomavirus à 15 ans. Donc, la sexualité, c'est un truc dont on parle. Et dont on parle en sachant très bien qu'on en parle en amont avant que ça la concerne. Oui, ok. Mieux vaut prévenir que guérir. Ben oui. Look at Dolly, pretty Dolly. Oh, here she come, pretty Dolly. When Dolly hear them soundy drum, up she jump and she holla, here I come. When Dolly hear them soundy drum, up she jump and she holla, here I come. Cause she gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. Don't stop her when she hear the call, Dolly Dawn going to have herself a ball. Don't stop her when she hear the call, Dolly Dawn going to have herself a ball. Cause she gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. When Dolly start to shake and shout, clear the floor, cause she really move about. When Dolly start to shake and shout, clear the floor, cause she really move about. Cause she gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. When Dolly go into a turn, old men jump and their eyes begin to burn. When Dolly go into a turn, old men jump and their eyes begin to burn. Cause she gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. Soon Dolly go into a fall, turn and spin, then she start to climb the wall. Soon Dolly go into a fall, turn and spin, and then she climb the wall. Cause she gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. She gonna dance, she gonna sing, she gonna... Puis nous, son petit copain, on le connaît, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont ensemble, il part en vacances avec nous. Ah, tu vois, on n'est pas non plus permissif, c'est-à-dire qu'il ne vient pas dormir à la maison si ce n'est pas les vacances ou si c'est pas... Bon, là, ça va changer, hein, mais la bête majeure. Mais il y a quand même des règles, enfin, il y a quand même des limites. On ne joue pas au petit couple chez papa-maman, quoi, tu vois. Mais en même temps, on ne se voile pas la face, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a une sexualité et qu'on préfère l'accompagner que faire comme si elle n'en avait pas. Parce que sinon, elle va aller dans un... Ou l'interdire, si ouais. Tu sais, ça veut rien non, dire. Non, mais non. Enfin, on a eu ce stage-là, c'est tombé. Donc voilà, et du coup, je pense qu'elle est très, enfin de ce que je vois, elle est très équilibrée par rapport à ça, qu'elle n'est pas du tout dans des excès. Et du coup, même dans son look, tu vois, elle n'est pas ni provoque, comme moi j'ai pu l'être. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de me libérer d'un carcan parental. Oui. Et que, oui, enfin tu vois, d'être très maquillée, avec un grand décolleté, avec des fringues qui moulent. Donc, qu'on se retourne. Ouais, oui, ou quand même pas à ce point-là, mais un peu quand même, ouais. Et ma fille, elle a un rapport à son corps beaucoup plus naturel, c'est-à-dire il fait chaud, elle va mettre un short et un top crop, mais c'est pas par séduction. Non. C'est parce qu'il fait chaud. Ouais. Et voilà. Et l'hiver, elle est couverte jusqu'à... Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais, il y a un rapport plus pragmatique, normal. Mais plus naturel. Ouais. Sans symbolique, il faut arrêter de voir la symbolique dans c'est tout. Ça. Ouais, c'est ça. Et la sexualité, ouais. la séduction partout, quoi. Et voilà, je pense que par rapport à ça, on n'a pas mal fait. Voilà. Mais toi, as-tu été plus... Est-ce que tu l'as plus dirigé parce que tu es la mère, tu connais, tu es une femme? Le père, lui, c'est le côté peut-être un peu plus... Ouais, son père, c'est clair que c'était beaucoup plus... Ouais, c'est ça. Je vais la mettre sous clé, je vais la mettre en cage. Et moi, j'ai vraiment joué le rôle de lui dire « ça ne sert à rien, c'est contre-productif ». Ça, c'est un mot qui revient souvent chez moi, tu vois. Je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs sujets, mais parce que, en fait, avec l'âge et l'expérience, je me rends compte qu'il y a plein d'attitudes qui sont complètement contre-productives et que, voilà, c'est pas intelligent. Et moi, j'ai plutôt joué ce truc-là parce que... lui disait pas de petits copains, enfin pas de petits copains officiels, donc de sexualité officielle avant 18 ans. Et je lui ai dit, mais attends, toi t'as couché à quel âge? Moi j'ai couché à 17 ans, pourquoi ma fille elle aura un moment? C'est ça. Et il a réfléchi et il a lâché le truc à 17. Pourquoi mettre un an? Moi, je pense que ça dépend des enfants, à quel moment ils sont prêts. Mais en fait, il s'est trouvé que Juliette, ça a correspondu 17. Tu vois, parce qu'en fait, elle a eu son petit copain, ils ont pas couché tout de suite, évidemment. Ça prend du temps. Ouais. Et je pense que quand elle l'a fait, elle était vraiment prête et que voilà, c'était bien. Je trouve que donner une limite, ça fait que du coup, ça donne envie à l'adolescent de le faire plus tôt. Ben oui. C'est logique. Oh oui. Et en même temps, il faut donner des limites. Mais pas des limites parce que sinon... vraiment forcées comme ça, artificielles, quoi. Dire tel âge, tel âge. Moi, ce que j'ai défendu, c'est qu'on en parle. Et que ça se passe quand elle était prête et que nous, on n'avait même pas besoin de le savoir. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut en parler avant, il faut la laisser faire et on en reparle après. Est-ce que le copain que l'on t'a présenté, ben, quand c'était mauvais, étais-tu en mode analyse ou en mode réception ou discussion? Non, en fait, il est super mignon. Non, mais quand tu l'as connu la première fois, tu savais pas qui c'était. Alors, moi, j'ai été très... je vais être honnête. Oui. Moi, j'ai été très... à la fois, ça me semblait normal qu'il vienne à la maison, qu'on le rencontre et tout ça. Mais c'était marrant parce que le père de Juliette, avec Oscar, il a été très... Il s'appelle Oscar? Ouais. Il a été très... oui, il était parent, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, tu vois vraiment le rôle traditionnel. Là, ça, c'est le père d'Oscar. Ouais. Et alors moi, j'étais très attentive à comment il se comportait avec ma fille. C'est-à-dire que je voulais être sûre qu'il était gentil avec elle, dans le sens qu'ils avaient un rapport équilibré, bienveillant l'un avec l'autre. Oui, égalitaire. C'est à ça, moi, que j'étais le plus attentive. Et je dois t'avouer que la première fois qu'il est parti en vacances, enfin, je te raconte des trucs vraiment privés là, mais la première fois qu'il est parti en vacances avec nous, je trouvais qu'il parlait beaucoup et qu'elle l'écoutait beaucoup. C'est-à-dire qu'il parlait beaucoup de choses qu'il avait faites et il est très intéressant. Hein. Il fait du jazz et tout. Enfin, c'est des jeunes vraiment hyper intéressants. Mais tu vois, je me disais... Ta fille n'avait pas sa place. Elle prenait pas sa place. Je me disais, c'est incroyable parce que tout ce qu'on a fait ensemble avec Juliette, tous les voyages qu'on a fait, tu vois, tous les spectacles qu'on est allé voir, tout ce qu'elle fait elle-même, c'est très douée en art et tout. Je me disais, je trouvais que dans les conversations que j'entendais, elle avait peu de place. Et en fait, après, j'ai surpris d'autres moments entre eux où c'était elle, la leaderuse. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est plus lui, il y a des moments où c'est plus elle. Et tu faisais pas l'observation, tu n'étais pas comme un détective. Non, c'est quand tu rentres dans une pièce et tu les vois ou tu les entends parler, tu sais, on est dans la rue, ils me parlent derrière toi ou des choses comme ça. Mais je dois avouer que j'étais très attentive à ça. J'étais très attentive parce que j'aurais pas aimé que ce soit un petit macho, tu vois, un petit coq. Et après, en plus, je trouve que de toute façon, plus leur relation s'installe et plus elle est équilibrée aussi. C'est-à-dire que des conversations comme ça où c'est plus elle qui mène ou plus lui, j'en entends moins. Ah, c'est bien. C'est très, ils sont bien ensemble. C'est très harmonieux, je trouve, comme relation. Très bien. Et après, moi, j'ai trouvé que c'était super qu'il soit près d'elle avant la séparation, après la séparation, parce que lui, c'est un enfant divorcé. Ses parents ont divorcé quand il avait 9 ans. Oh, c'est bien. Donc, tu vois, il a du recul par rapport à ça. Dans ces moments-là, j'ai eu la preuve qu'il était vraiment très gentil avec elle. Très amoureux. Très amoureux, très consolateur. Tu vois, très à l'écoute de elle, sa souffrance, son mal-être aussi. C'est beau. Ouais. Il a 18, lui? Ils sont le même âge. Donc, il a un mois de moins qu'elle, même. Donc, il aura 18 un mois plus tard. Elle préfère les jeunes. Bah, en fait, ils ont le même âge. Ouais, je trouve qu'ils ont une belle relation, franchement. Alors, tu es heureuse de ta fille. Mais tu vois, on parle quand même. C'est-à-dire que... on se dit quand même que, bon, bah là... ils s'éveillent la sexualité ensemble, etc. Mais je dis, à un moment donné, comme vous êtes rencontrés jeunes, si vous êtes toujours ensemble, et qu'il y en a un qui commence à aller ailleurs, il faudra mettre un préservatif. Tu vois ce que je veux dire? Et on en parle quand même, on est capable de se projeter là-dedans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas naïve non plus, elle voit bien que... Mais là, comme ils sont ensemble, il n'y a pas de préservatif, c'est juste la pilule. Et tu fais confiance à la pilule. Oui, mais quand même, je l'ai quand même dit à ma fille que si à un moment donné il y a le moindre doute, tu vois, voilà. Mais c'est quand même pas quelque chose que l'on dit. Puis on va en reparler régulièrement. Ok, tu ramènes si ça. Si moi je sens que. C'est ça, ouais, ben, de ton côté, tu vois un peu ce qui se trame. Mais je pense pas que ce soit. Ben, je le connais pas encore. C'est très compliqué, tu vois, quand même, de pas. Faut pas être dans l'ingérence et en même temps, ils sont jeunes, quoi. Donc faut quand même encore faire garde-fou, là, tu vois. 18 ans. 18 ans aujourd'hui, puis 18 ans il y a 20 ans, c'est plus... Je trouve que 18 ans aujourd'hui, on est beaucoup plus prêts à affronter. Oui, sur plein de sujets. En tout cas. Ah oui? Oui, enfin franchement, ma fille, elle est 100 fois moins naïve que moi. Ah oui, bah oui. 100 fois moins. Oui. C'est qu'elle va gagner 10 ans sur moi. Ah oui, effectivement. Dans son rapport avec 28, les hommes aussi, elle a comme 28 aujourd'hui. Non, si tu vois ça. C'est ça. Ben oui. Ben oui, ma fille, c'est la même chose. Elle en a 25, mais à vrai dire, elle en a 35 quand tu la vois... Ouais. Complètement. Puis... complètement. Et c'est ça le problème. Ben, problème, c'est, on est toujours en train de se dire, mais moi, on n'est plus dans cette actualité-là, on n'est plus dans le même bain, on n'est plus dans la même. Mais bon. Si tu étais un moment de la journée. Je l'ai dit le matin. Oh, j'ai dit, oui, j'avais dit. Si tu étais un autre individu, excuse. Attends. Un autre individu. Oh! Oh! Mrs. Star, star come and carry me load. Star come and carry me load. Star come and carry me load. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Star come and carry me load. Come. Mr. Tallyman, tally me banana. Star, come and carry me load. Star, come and is a star, oh. Star, come and carry me load. Star, come and is a star, is a star, is a star, is a star, is a star. Banana ripe, it smell like honey. Star, come and woman sweet, she take your money. Star, come and carry me load. Star, Mrs. Star, oh. Star, come and carry me load. Star, come and carry me load. Star, Mrs. Star, Mrs. Star, Mrs. Star, Mrs. Star, Mrs. Star, Mrs. Star, Mr. Tallyman, tally me banana. Star, come and come, Mr. Tallyman, tally me banana. Star, come and carry me load. Star, is a star. Oh. J'aurais tellement aimé être Agnès Varda, même si je me doute que sa vie n'a pas été facile, mais je trouve que... Pourquoi elle n'a pas été facile? Non, mais parce que la vie, c'est jamais facile. Non, mais parce que là, tu projettes, tu connais la vie d'Agnès Varda, quoi? Non, mais tu vois, enfin, on voit son œuvre. Ouais. Du coup, on voit quand même son parcours de femme, que je trouve admirable, les deux. Après, je me doute bien que dans sa vie privée, il y a eu des moments... Enfin, c'est comme ça, c'est tout. Mais je trouve que c'est une femme exemplaire et passionnante et que tout ce qu'elle a fait, c'était beau. De ce départ, elle était photographe. Elle a fait des photos sublimes sur... Avignon, tu vois. Enfin, moi, c'est une femme qui m'a passionnée de bout en bout. de plus en plus. À la fin de sa vie, elle est revenue à la photo parce qu'elle pouvait plus perdre le film. Elle remettait même des photogrammes. C'est ce qu'elle a accompli, c'est extraordinaire. Et je trouve qu'elle est populaire en France, mais elle n'est pas assez connue. Et son œuvre n'est pas assez connue, ça c'est évident. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'aurais adoré évidemment avoir ce talent, enfin tous ces talents. Et j'aurais adoré aussi quand même vivre tout ça, quoi, la nouvelle vague, les années 70, c'est quand même été des périodes passionnantes. Et surtout qu'elle était très passionnée de son amoureux, puisqu'après ça, c'est elle qui a remonté la collection. Oui, tu vois, c'est une vie très complète, une vie d'artiste et de femme très complète. Elle était très correcte avec son... Et elle a beaucoup travaillé, mais elle a eu des enfants, enfin tu vois, c'est quelque chose où je trouve qu'elle a vraiment su... Menée de front, je ne sais pas si c'est tout. C'est une petite bonne femme. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et en même temps, elle était gentille, elle était sympathique, elle était accessible, tu vois. Pour moi, c'est la personne parfaite. C'est vrai. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Chaque fois tu me demandes ça, je ne sais pas. À chaque fois, je crois que je te réponds la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait mes choix, je les ai faits à une heure H. Alors je suis en accord avec moi-même par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait les choix qui me correspondaient à cette époque. Au moment où je les ai faits, vu la situation à l'époque. Maintenant, si j'avais su comment ça évoluerait, non, je ferais tout différemment, je te le dis. Je ne suis pas sûre que je ferais du cinéma, moi j'en suis à me dire que ma première idée c'était d'être archéologue. Et tu sais, en fait, en allant sur des fouilles et des chantiers et tout ça, parce que j'adore ça, je me suis rendu compte que c'était un peu le même travail finalement. C'est-à-dire qu'un archéologue, il trouve trois trucs là, et il va raconter toute une histoire. Et peut-être que cette histoire, c'est une fiction, parce que des fois, c'est remis en cause par d'autres travaux plus tard, mais il est obligé de raconter cette fiction pour ça. Et en fait, donc moi, je voulais être archéologue quand j'avais, comme tous les gamins, quoi, quand j'avais 10-12 ans. Sauf qu'à l'époque, en France, c'était impossible de gagner sa vie comme archéologue. Pour une femme ? Pour tout le monde. Pour tout le monde, okay. Il y avait très peu de places, il fallait être enseignant à l'université, il y avait très peu de places, les gens ils y restaient jusqu'à leur mort, alors quand il y avait une place qui se libérait, il y avait je sais pas combien de morts. Et par contre, à l'époque, c'était possible d'avoir une vraie carrière en cinéma d'auteur. C'est fou. Et au milieu des années 90, ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'en 95, il y a eu une loi qui a rendu obligatoire les fouilles avant tous travaux privés, publics. Oui, aller voir avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours des chantiers en France, et c'est possible de gagner sa vie quand on est archéologue. Alors qu'à l'inverse, la situation du cinéma d'auteur s'est complètement dégradée. Alors, je te dirais que si je savais ça à 10-12 ans, j'ai voulu faire du cinéma à 12 ans, donc, je pense que pendant toute cette période, je garderai les deux idées en tête, mais qu'arrivé au choix des études, j'irai en archéo. Alors, il aurait fallu naître tout ça plus tard. C'est ça. Avec Ali, Mais tu vois, je sais pas. Ça, c'est ce que je te raconte là, c'est rationnel en fait. Ouais. C'est arrivé où j'en suis en voyant comment les deux champs qui m'intéressaient ont évolué. Ça, ce serait un choix rationnel. C'est de sachant, enfin tu vois, si je fais retour vers le futur là, hop là, sachant ça, peut-être que je prendrai une autre voie, peut-être que je ferai des films pour moi, enfin tu vois, surtout maintenant avec ton iPhone, tu peux faire des petits trucs. Ouais. Peut-être que je me ferai plaisir, mais que j'irai pas dans cette voie-là, que j'irai en archéo. Je sais pas. C'est certain que là, c'est une réflexion parce que tu as pris le temps de faire une rétrospective. Oui. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Ben, c'est toujours extraordinaire de se rencontrer parce qu'on parle de tout, de la vie, du cinéma. Ouais. Non, mais après, tu vois, quand je réfléchis, je suis à un âge où on fait des bilans, où on voit ce qui est encore possible, plus possible, mais si tu veux, moi, je me connais. Je sais que ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est parce que ça ne me correspond pas. Okay. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que je suis. Mais c'est comme ça. Ah, voilà, on finit avec c'est ça, exactement. Et c'est ce qui fait que tu es cette femme-là aujourd'hui. Aussi. Ouais. Alors, je me dis, il aurait fallu vraiment que je me fasse une telle violence. Oui, que je me renie, en fait. Ouais. Et alors, j'arrive pas à savoir si c'est de l'orgueil m'a placé, de se dire non, je vais réussir tel que je suis moi. Non, ça n'empêche. Tu vois, de ne pas jouer les règles, de ne pas accepter les règles, les compromissions, les choses comme c'est ça. C'est bien parce que c'est je sais pas, mais en tout cas. C'est devenir mou, c'est de se faire enfermer un peu. Ouais. Donc, toujours remettre en question de dire non, on a une ligne à suivre et puis on va la suivre. Ben, en tout cas. C'est un combat, la vie est un combat. Tu vois, c'est ça, c'est, tu sais jamais si t'es buté quand tu fais ça non. Ou si t'es fidèle à toi-même. Moi, j'ai quand même l'impression. Un peu des deux. C'est mais un peu comme Don 80% fidèle à moi-même et 20% un peu buté. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. 80% c'est déjà beaucoup. Hein. Ben, c'est ce qui te fait aussi. Tiens, on se dit souvent, est-ce que je suis en train de faire comme un peu Don Quichotte, hein? Oui, c'est ça. Et est-ce que ça est complètement débile? Parce qu'à un moment donné, c'est beau le geste héroïque, mais il meurt tout seul, vieux, épuisé, il n'a rien accompli. Ouais. Tu vois, t'as pas envie d'être Don Quichotte en vrai. Hein. Tout héroïque qu'il soit. Romanesque, tout ça. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. I remember when love was new, water come to me eye. There was one, but now there's two, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. When the evening starts to fall, water come to me eye. I need to hear my Liza's call, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Standing there in the marketplace, water come to me eye. Soon I'll feel her warm embrace, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. In the shadow I stand a while, water come to me eye. Soon I'll see my Liza smile, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Come back, Liza, come back, girl, wipe the tear from me eye. Voilà, c'est ça qui est compliqué de savoir, c'est à quel point je m'obstine pour m'obstiner, pour pas avouer que j'ai tort. Enfin, je non, mais sais en même pas. Temps, faut avoir des convictions, hein. Oui. Ouais, c'est ça. Bah oui. Et puis je te dis, je me connais. Intègre aussi. L'intégrité est faite. Je sais que j'arrive pas à faire semblant. J'y arrive pas. Oh, c'est bien. Être authentique, ça a toujours sa place. Je sais pas si c'est bien. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'arriver à faire semblant à des moments de ma vie auprès de certaines personnes. Ah oui, pour aller plus rapidement. C'est pour, ça, pour tu vois. Pour un peu arnaquer les gens, en fait, tu vois. Okay. Moi, j'ai plein de copains qui ont fait leur film sur des malentendus. C'est en faisant croire que leur film, c'était une grosse comédie nanar, que pas du tout. Un peu comme Kubrick jouait. Avec, oui, les, par les exemple, ça. Ça, je sais pas faire, moi. Ouais, c'est... Je sais pas faire. Je vais te dire, sur le moment, j'ai même pas l'idée. Et quand j'y pense après, je me dis, ouais, bon, je suis tombée, trois personnes y auraient cru. Mais il faut dire aussi que... Mais c'est une façon aussi de voir de voir la vie, c'est aussi la façon dont on fait. Oui, puis après, enfin, tu vois, ce qui est de l'ordre de l'orgueil, mais c'est aussi de se dire que moi, la façon dont ça fonctionne, c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, forcément, du coup, t'es un peu en résistance, du coup, t'es moins porté parce que tu résistes. Du coup, t'arrives pas à faire ce que tu veux. Mais ça, voilà, quand tu parles de mes convictions, voilà, ça, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de ce que les plateformes, de ce que les diffuseurs imposent. On a commencé au début avec ça, ouais. Mais c'est fou, moi c'est un langage que je comprends. Moi je trouve que je suis déjà bien héroïque d'arriver à gagner ma vie, c'est-à-dire d'arriver dans ce milieu-là, c'est-à-dire dans ces règles-là. Et du coup, bah, le seul part de liberté que je garde, mais qui du coup je fais que je ne tourne pas mes films, c'est que je me dis, je ne vends pas mon âme au diable. Ce qui est important pour moi, mon film, si je le fais, tu restes intègre. C'est comme je le fais. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est peut-être complètement con en vrai. Est-ce que ça vaut pas mieux de faire son film, même si c'est pas complètement celui qu'on avait eu? Je sais pas, je peux pas te répondre, mais j'ai pas la réponse. Ah non, mourir, comme disait Brassens, mourir pour des idées, ok, mais de mort lente, tu sais. Ouais, il faut toujours regarder. Oui, pardon? C'est moi. Ah oui, mais non, mais c'est vrai, il faut toujours regarder notre objectif. Si on ramollit, on va devenir une sorte de... Ben moi, j'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'on y en a, et qu'on réfléchit à ce qu'on fait, aux conséquences de ce qu'on fait. C'est ça qui fait qu'on est humain, parce que les animaux, ils réfléchissent pas aux conséquences de ce qu'ils font. Mais peut-être sont plus heureux. Peut-être sont plus heureux parce qu'ils sont dans la sauvegarde, ils sont là pour... Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas la réponse à ça. Je sais pas si j'aurais dû faire des choses différemment, mais je sais que au moment où ça s'est posé, j'étais pas capable de faire autrement. Et encore aujourd'hui? Oui, et toujours. Mais c'est bien. Absolument. Ah oui. Il faut que je fasse avec, c'est un peu ma malédiction aussi, tu vois. Chacun traîne sa croix, mais peut-être c'est pour ça que les gens qui m'aiment bien, ils m'aiment bien. Mais oui. Parce qu'il y a un côté fiable. Vous êtes dans les mêmes convictions. Voilà, tu vois. Vous êtes dans la même lignée. Dans les mêmes certitudes. Mais oui, mais comme par hasard, on est des gens qui ne réussissent pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des gens en place. Non, mais tu as réussi. Tu as un garçon extraordinaire, une fille extraordinaire, un travail que... Non, mais je parle juste de la carrière. Ah oui, mais voilà. Tu es dans des organismes qui risquent de... Non, mais moi, je me rends utile. Déjà, ça, c'est super important pour moi. Ah oui. Enfin, tu vois, quand tu fais quelque chose, que ce soit utile, c'est comme les films dont je te parlais tout à l'heure pour Clepsy. Bah, à un moment donné, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les fictions qu'on me demande d'écrire quand tu es dans un travail de commande. Moi, là, cette année, j'ai réussi à travailler sur les petites fictions 26 minutes pour les dom-toms où on avait une latitude de liberté de choix de sujet. Et du coup, j'ai pu traiter des sujets qui me semblaient importants pour les populations de la Guyane et de Tahiti. Mais sinon, tu vois, quand tu écris du polar à la chaîne, ce que tu arrives à mettre dedans d'intéressant, d'intelligent ou d'humain ou de toi, par congru, quoi, vraiment congru. Et d'un seul coup, faire ces petits films, même si, du coup, j'étais moins à l'origine des choses, j'étais une courroie de transmission quand je les ai faites, mais d'un seul coup, j'avais l'impression d'être utile. Ah oui. Tu vois? Alors, c'est ça aussi, c'est d'arriver à équilibrer dans sa vie les moments où on se fait plaisir, les moments où on obéit aux lois parce que c'est ça qui fait qu'on paye le loyer à la fin du mois, et puis les moments où on se rend utile. Et c'est pas vrai, ce qui est dommage, c'est que c'est pas forcément les mêmes moments. Non, mais ils cohabitent tous dans le même mois, la même semaine et parfois la même journée. Oui, mais c'est en chapeautant aussi plusieurs rôles que tu arrives à changer les choses. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Oui, c'est clair. Mais tu es encore capable de poursuivre. Si tu veux que ça change, mais tu n'es pas la seule aussi. Non, c'est ça, ben non. T'sais, c'est comme une clique qui... Ouais, vous vous entêtez et vous allez vers... Mais Stéphanie, toujours heureux de te rencontrer. Oui, moi aussi. On parle de tout, de rien, de cinéma, de vie. De la vie. C'est ça, ben oui. Mais c'est en plein ça. Alors, on se dit à la revoyure, puis on va se tenir au courant de tout. Oui, avec grand plaisir. On va faire un compte rendu. Puis, oui, parfait. Carrément. Merci. Et de suite de la suite. Oui. Salut. Salut. Bye. C'est excellent. Ben, merci beaucoup, Rénal. C'est toujours des bons moments. Ah, c'est vrai que c'est agréable, hein, juste de discourir. Ouais. 3 heures de discours. Dis donc. Oh! Oh, c'est un record! C'est vrai? Oui! I say, let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women got the men, they should know, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is... smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. That's right. Ever since the world began, woman was always teaching man. You listen to my bit attentively. I'm going to tell you how she smarter than he cannot be. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he clashed with Delilah on top of the bed. She told him all the strength was in the hair of his head, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Hey, you meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Go home thinking she's alone. Open the door. You find her husband home, not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. That's right. I was treating a girl independently. She was making baby for me. When the baby born and I went to see, eyes was blue. Sure. It was not by me, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Oh yes, smarter. Chers amis, si je vous... si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.